Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Le sushi au CP ne me fait même pas d'effet. Eh oui darlum, c'est pas grave s'il n'y a pas de dessert. Déchiré, je pleure les décès dans les salles des fêtes. J'ai lu l'espoir dans les yeux des petits frères qui remportent Interquartier. Dans le regard de tonton qui fixe la tour et fait les yeux écarquillés. Salade. Tout est faux comme les billets dont je me suis débarrassé chez le pizza. Une haja qui pleure, un keuf qui se marre. J'attends rien de la vie, j'attends mon heure. Compte à rebours au rythme de mon cœur. Une main dans le ballon qui tient la liqueur. Sourire mon cœur, j'attends mon père. La barre t'es mal isolée. Après la fuite dans la baraka, après le cri, le violet. Descendu des max en base, hein. Trois cachés sur enfant en bas âge. Toujours le respect c'est la base. Je remonte 20 plochouris aux voisins. On est trois dans la caisse, y'a des années de star. Pas toujours comme on veut, y'a des aléas. Tout l'été au quartier comme des parias. Pète ta bouche d'incendie, nique les baléares. Ça saute à deux pieds sur la tête, la daronne chauffe du balcon. En fait t'as capté nos vices, sont comme le fond de la grotte. 25 ans avant de sortir, elle me dit toujours fais pas le con. Teste quand même les enfants savent que ses fils vendent de la drogue. Amoureux braque pour la dot. En claquette sur la mille à deux. Devant le hep, on se prend dans les bras. Tes potos t'as pris un peu. Et je leur ai dit, je cache mon visage. Si ça marche pas, je reprends le plus. Tu je pose en vitesse de kill sous le siège dans la voiture devant le jeu. Non, moi je fais pas tel rat, mais je peux te ramener sans mûche, sans qu'un cistro. Ouais, y'a peut-être des chemises derrière l'enceinte. Frère, faut pas que j'en dise trop. Tour HLM, famille nombreuse, on se prend les pieds dans les pompes à l'entrée. Petit refrain regrette d'avoir stoppé l'école quand le Yonkli parle anglais. J'ignore les autres, trop de poids sur les épaules pour me baisser. Les années coulées, j'ai pas supprimé ton numéro depuis ton décès. Le temps passe, j'ai pas fait, c'est la nif. La poisse, c'est la haisse, c'est la mif. Surveille ta petite serre sous blister. J'suis dans la main, veux me faire la bise. La vie c'est très dur, statut trop précaire. Quand tu es le traiteur, masqué comme Shredder. Où sont mes galettes, où sont mes 20 centimes. Où sont mes amis, la chatte à sa mère. Y'a du sevi quand t'arranges les tarots. Y'a du sevi dans un grec à trois. Tu me voulais du bien, tu m'as rendu paro. Tu me parles de me faire kékrou en carré croix. Pareil que les yeux d'une mère heureuse ça brille. Ceux de la mienne brillent à cause d'humidité. Y'a que devant la tombe de mes proches que j'ai du mal à faire face à ma timidité. Je traverse le salon tête baissée. Même nos darons savent qu'on est baisé. Impulsif souvent dans l'excès. Je demande pardon mais je continue de pêcher. Assis devant le bat sur chaise de pêcheur. Flashé, je repense à tout ce que j'ai loupé. Ils croient me donner envie, mes cœurs. La nature humaine m'a goûté. Toute la nuit solo dans le bat, même pas d'écouteur. Les gens me faisaient des rappels, mais je les écourtais. Je suis face à mon destin, les bras écartés. On m'a demandé si ça allait, j'ai menti. Dans Dounia, je suis perdu, je fais armacher où je vais. Chez nous, c'est pas comme dans les magazines. Y'a de la piste de pied dans les bacs à sable. Ça reste en double fil, nique le parc acide. Ça retire l'antivote dans les magasins. J'peux béton à tout moment bourré dans la ville. Frère, ça met même plus tabac dans la weed. Un nouveau problème va te mettre dans la file. Arme dans l'appart au cas où ça sonne dans la nuit.